Chapitre 3. Quoique ses moyens le lui permissent, Paul Cormier ne s'était pas encore mis dans ses meubles, comme son ami Jean de Mirande, qui s'était payé une installation superbe. Il ne vivait pas non plus dans un hôtel garni, comme un simple étudiant, pourvu d'une maigre pension. Il avait loué dans une honnête maison un joli appartement meublé, composé de 4 pièces au premier sur le devant, et n'eût été l'écriteau jaune pendu à la porte de la rue, les personnes qui venaient le voir pouvaient croire qu'il était là, chez lui. Une femme comme il faut pouvait y entrer sans se compromettre. En fait de domestique, il se contentait d'une femme de ménage, évitant ainsi la dépense obligatoire d'une tenue de maison, afin de garder plus d'argent de poche, le seul qu'il appréciât. Il avait un certain mérite à se gouverner de la sorte, car Madame Cormier, la mère, était restée usufruitière de toute la fortune. Et son fils, qui aurait pu exiger sa part de l'héritage, ne l'avait jamais réclamé. Depuis qu'il avait gagné 8 000 francs au vicomte de Cervon, il s'était déjà demandé s'il ne les emploierait pas à se créer un intérieur confortable, où il pourrait, sans rougir de la mesquinerie de son ameublement, recevoir un jour ou l'autre la marquise de Ganges. Mais depuis la mort tragique du mari, il pensait beaucoup moins à la jolie somme qui gonflait son portefeuille qu'à un autre portefeuille qu'il s'était chargé de remettre à la veuve du marquis. Celui-là pesait 100 livres sur la poitrine, et quand il le retira de sa poche en se déshabillant, c'est à peine s'il osa y toucher. Il fut pourtant violemment tenté de l'ouvrir. Monsieur de Ganges, en lui recommandant de le porter à sa femme, ne lui avait pas défendu d'en examiner le contenu, et il y trouverait peut-être d'autres secrets que celui de la personnalité du défunt. Il ne savait presque rien de la marquise, et il ne tenait peut-être qu'à lui de tout savoir. Mais il lui répugnait de fouiller dans les papiers d'un mort, et après avoir un peu trop hésité, il sut résister à la tentation. Il le serra avec ses billets de banque dans l'armoire à glace, qui lui servait de coffre-fort, et il se mit au lit, où il dormit d'un sommeil très agité, jusqu'à l'heure où sa femme de ménage le réveilla pour lui apporter son chocolat, c'est-à-dire à midi précis. Paul se hâta de se lever et d'expédier ce frugal déjeuner. Il lui tardait de courir à l'avenue Montaigne, et il avait encore à faire une toilette plus soignée que de coutume, avant de se présenter chez la marquise. Le noir était indiqué, puisqu'il avait à remplir le pénible rôle du page de la chanson de Marlborough. « La nouvelle que j'apporte fera vos yeux pleurer. » Encore fallait-il que les vêtements de deuil qu'il allait mettre fussent neufs et coupés par un bon tailleur. Il était content du sien qui n'habillait que des messieurs élégants, et il choisit une tenue appropriée à la circonstance. S'il l'eût osé, il aurait mis un crêpe à son chapeau. Et il n'eut pas de peine à prendre la figure que doit avoir un homme chargé d'annoncer une catastrophe, car il n'avait pas le cœur à la joie. Il commençait à se préoccuper fortement des conséquences du drame nocturne auquel il avait pris une trop large part. Il se demandait ce qu'il était advenu du cadavre abandonné sur le talus des fortifications, et s'il n'en avait pas trouvé sur le mort des preuves de son identité. Tout n'était peut-être pas dans son portefeuille, et dans ce cas, la police arriverait bien vite à découvrir qu'il existait à Paris une marquise de Ganges, ayant des relations dans le beau monde, et pignon sur rue, ou plutôt sur avenue, ce qui est encore mieux. Donc, Paul Cormier devait se rater, s'il voulait avoir tout le bénéfice de la mission qu'il avait acceptée. Mission délicate s'il en fut, puisqu'il était la cause involontaire de la mort du marquis. Il est vrai que la marquise partageait ce tort avec lui, puisqu'elle s'était tacitement prêtée à la confusion de personnes qui avaient amené la malencontreuse présentation au bal de la closerie des Lilas. Et Paul espérait que cette complicité passive lui vaudrait quelque indulgence de la part de la veuve. Elle l'avait laissé se mettre dans son jeu. Après la scène qu'il allait avoir avec elle, en s'acquittant du message que le mort lui avait confié, il ne pouvait pas manquer d'y entrer plus avant, et il y comptait bien. Non pas certes qu'il songeât à se prévaloir de la situation pour lui imposer son intimité, mais elle aurait forcément besoin de lui, et elle ne pourrait pas moins faire que de le revoir. Il avait renvoyé sa femme de ménage, et il allait sortir, quand il avisa sur sa table de nuit une lettre qu'elle y avait posée en entrant, comme elle avait coutume de le faire chaque matin lorsqu'elle apportait le courrier. Peu s'en fallut qu'il ne l'y laissât sans l'ouvrir. Il n'avait ni affaire, ni créancier, et les femmes qui lui écrivaient de temps à autre lui étaient maintenant complètement indifférentes. Il la décacheta cependant pour l'acquit de sa conscience, et il ne fut pas peu surpris de ce qu'il y lut. On lui écrivait ceci. « J'ai vu tout ce qui s'est passé ce matin au petit jour sur un bastion du boulevard Jourdan. Vous avez tué un homme et vous étiez deux contre un. C'est bel et bien un assassinat, et vous savez où ça mène. Je n'ai qu'un mot à dire pour vous faire arrêter. Mais je suis bon enfant, et je ne demande qu'à m'entendre avec vous. Le silence est d'or à ce qu'on dit. J'estime que le mien vaut au moins 10 000 francs. Si vous êtes disposé à me les donner, vous me trouverez de midi à 2 heures dans le jardin des Thermes de Cluny, au coin du boulevard Saint-Germain et du boulevard Saint-Michel. Si vous n'y venez pas, vous coucherez ce soir au dépôt de la préfecture. Ce sera vous qui l'aurez voulu. » Cette aimable épître n'était pas signée, mais elle était très correctement rédigée, sans la moindre faute d'orthographe ni de français, et parfaitement adressée à M. Paul Cormier. Elle n'était pas signée. On ne signe pas ces choses-là. Il y avait un post-scriptum ainsi conçu. « Je m'adresse à vous de préférence parce que c'est vous que j'ai vu sous la main. Mais je saurai retrouver votre complice, et il ne perdra rien pour avoir attendu. » C'était clair et net, il s'agissait d'un chantage. Le maître chanteur se trompait, peut-être volontairement, quand il disait que Paul avait tué un homme, puisque Paul n'avait été qu'un des témoins du duel. Il s'adressait à celui-là parce qu'il ne connaissait pas encore l'adresse de l'autre, mais la menace d'une dénonciation n'en était pas moins redoutable. Évidemment, ce drôle s'était renseigné chez le portier du numéro 9 de la rue Gay-Lussac sur son locataire, et il n'avait qu'à signaler M. Cormier au commissaire de police pour qu'on l'envoyât chercher à domicile par 2 agents. C'est ce que Paul redoutait par-dessus tout, car il se flattait de fournir à ce commissaire des explications satisfaisantes. Il tenait absolument à pouvoir disposer de sa journée, d'abord pour aller voir la marquise de Ganges, et ensuite pour aller consulter le vieil ami de sa mère, l'avocat Bardin. Quant à acheter le silence du gredin qui le menaçait de le dénoncer, Paul n'y songea pas un seul instant. Mais qu'il n'eût volontiers donné de l'argent pour que ce drôle le laissât en repos, mais c'eût été se mettre à sa merci, car il n'aurait pas manqué de recommencer. C'est le système de tous les maîtres chanteurs. Plus l'homme qu'ils exploitent l'épais, plus croissent leurs exigences. Ils ne le lâchent qu'après l'avoir ruiné, et lorsqu'il en est là, ils le dénoncent quand même. Paul savait cela, et d'ailleurs, au fond, il demandait qu'à être appelé à s'expliquer devant un magistrat sur ce duel malheureux. Il faudrait bien en venir là tôt ou tard, mais il préférait que ce ne fût pas immédiatement. Comment ce misérable était-il si bien informé? Paul ne s'en doutait pas, et c'était d'autant plus incompréhensible pour lui que, à en juger par le style et l'orthographe de la lettre, il n'avait pas affaire à un rôdeur de barrière. Mais Paul n'avait pas le loisir de chercher le mot de cette énigme, et sa résolution fut bientôt prise. Le chanteur ne l'attendait pas dans la rue, devant sa maison, puisqu'il annonçait que de midi à 2 heures, il se tiendrait dans le jardin du musée de Cluny. Paul n'avait qu'à le laisser s'y morfondre et à prendre un fiacre pour se faire conduire avenue Montaigne. Après son entrevue avec Madame de Ganges, il comptait aller chez Bardin, puis chez Mirande, que très probablement il trouverait encore au lit, et quand il se serait entendu avec lui, alors il serait temps d'aviser. Il sortit donc, et en sortant, il eut soin de donner un coup d'œil à droite et à gauche. Il ne vit personne. La rue Gay-Lussac n'est pas très fréquentée, et dans le voisinage du numéro 9, il n'y avait aucun de ces établissements où on vend à boire et à manger, et où on peut s'installer pour espionner, à travers les vitres de la devanture. Cormier aurait bien pu interroger son portier, pour savoir qui avait apporté la lettre, et si quelqu'un était venu demander des renseignements. Mais c'eût été laissé voir qu'il craignait d'être surveillé, et il préféra s'abstenir. Il passa donc devant la loge sans s'y arrêter, et, tournant à gauche, il déboucha sur le boulevard Saint-Michel, tout près de la station où il avait pris la veille la voiture qui l'avait mené avec Madame de Ganges au rond-point des Champs-Élysées. Avant d'y arriver, il en vit une arrêtée au coin de la rue Gay-Lussac, mais elle devait être occupée, car les stores étaient baissés, et il lui fallut pousser jusqu'à la station de la rue de Bénissis. Cette fois, aucune femme ne monta dans le fiacre qu'il choisit. Ces aventures-là n'arrivent pas tous les jours. Paul, bien entendu, n'avait pas oublié de se munir du portefeuille à lui confier par le pauvre marquis. Et il n'avait pas non plus laissé le sien dans son armoire à glace, où ses billets de banque n'auraient pas été en sûreté. Le voyage ne lui parut pas long, car il l'employa à se préparer à paraître devant la marquise. Et plus le moment solennel approchait, moins il se sentait rassuré sur le résultat de la démarche qu'il allait tenter, démarche scabreuse s'il en fut. D'abord, Madame de Ganges consentirait-elle à le recevoir? Il commençait à en douter. Sous quel prétexte et sous quel nom se présenterait-il? Elle savait qu'il s'appelait Paul Cormier. Il le lui avait dit. Peut-être était-ce une raison pour qu'elle lui fermât sa porte, si elle reconnaissait ce nom sur la carte qu'il remettrait au domestique chargé de répondre aux visiteurs. Mieux valait sans doute se faire annoncer sous un nom inconnu d'elle, en ajoutant qu'il avait absolument besoin de l'entretenir d'affaires graves et urgentes. Paul payait assez de mine pour ne pas avoir à craindre d'être pris pour un mendiant, ni même pour un commis voyageur qui vient offrir à domicile des vins de propriétaire. Une fois qu'il serait en présence de la marquise, le reste irait tout seul. Elle n'aurait garde de le renvoyer car, après ce qui s'était passé chez la baronne d'Ozulé, elle devait souhaiter autant que lui une explication en tête-à-tête. La seule difficulté était donc d'arriver jusqu'à elle. Après réflexion, il résolut de s'inspirer des circonstances et il descendit de son fiacre un peu avant le numéro 22, à seule fin de se donner le temps d'examiner l'extérieur de la place avant d'essayer d'y pénétrer par surprise. En s'approchant, il vit un grand et bel hôtel, dont la façade à deux étages était imposante. On devinait tout de suite qu'il n'avait pas été construit pour abriter une de ces horizontales enrichies qui peuplent l'avenue de Villiers et les rues adjacentes. L'hôtel de la marquise était un hôtel sérieux, comme on n'en bâtit guère pour ces demoiselles. Il avait même l'air un peu triste, avec ses hautes fenêtres closes et sa majestueuse porte cochère dont les deux battants étaient fermés. On n'entrait pas là comme chez la baronne de l'avenue d'Antin, qui laissait libre l'accès du sien, les jours où elle recevait ses nombreux amis. Chez madame de Ganges, il fallait montrer patte blanche, et son salon n'était pas ouvert à tout venant. Paul, un instant intimidé par l'aspect de ce logis seigneurial, doutait de plus en plus d'y être admis. Il se décida pourtant à sonner, et le cordon fut tiré immédiatement. Il poussa le battant mobile, et se trouva dans un large vestibule aboutissant à un jardin qui semblait s'étendre très loin. Un valet en livrée de couleur sombre vint à la rencontre du visiteur et lui demanda son nom, ce qui semblait indiquer que madame de Ganges était chez elle. Paul prit de court, allait donner sa carte lorsqu'il aperçut à l'entrée du jardin un homme vêtu de noir, qu'il reconnut aussitôt pour l'avoir déjà vu la veille au Luxembourg, sur la terrasse. Cet homme, c'était celui qui avait eu maille à partir avec Jean de Mirande, à propos de la chaise occupée si cavalièrement par cet audacieux étudiant et que Mirande avait traité du haut en bas. La rencontre était fâcheuse. Ce personnage qui gardait si bien la marquise hors de chez elle devait se tenir là pour la protéger à domicile, contre les importuns et contre les indiscrets. S'il allait me reconnaître pour ne m'avoir vu hier avec Jean, se disait Paul, de moins en moins rassuré, il oubliait qu'il s'était tenu à distance pendant l'altercation et que ce chevalier de la marquise n'avait pas pu le remarquer. Il eut bientôt la preuve qu'il avait tort de s'alarmer, car ce grave personnage s'approcha et lui dit très poliment que madame de Ganges, un peu souffrante, ne recevait personne. Paul ne se tint pas pour battu, et parlant d'abondance, il dit qu'il n'avait pas l'honneur d'être connu de madame la marquise, mais qu'il était chargé de lui faire une commission importante. L'homme l'interrompit pour lui demander brusquement « De la part de qui ?» Paul ne pouvait pas répondre « De la mienne », après avoir dit que madame de Ganges ne le connaissait pas. On l'aurait évidemment mise à la porte. Il eut une idée qui aurait pu lui venir plus tôt, et qu'il crut bonne, car il n'hésita pas une seconde à dire « de la part de monsieur le marquis de Ganges ». En parlant ainsi, Paul Cormier ne mentait pas, puisque le malheureux marquis l'avait expressément chargé d'aller remettre son portefeuille à sa femme, et c'était bien le seul moyen qui lui resta d'arriver jusqu'à madame de Ganges. Mais il avait oublié de se demander comment le chevalier noir allait prendre cette déclaration qui devait l'étonner beaucoup, pour peu qu'il fût au courant des affaires de ménage de la noble dame dont il semblait s'être constitué le garde du corps. « C'est impossible, » dit brutalement ce personnage rébarbatif, « monsieur le marquis n'est pas à Paris. » C'était bel et bien un démenti. En toute autre occasion, Paul l'aurait vertement relevé, mais il dut filer doux, sous peine de manquer son but en se faisant expulser. Et il se contenta de répondre, « Tout ce que je puis vous dire, c'est que je l'ai vu, et qu'il m'a confié une mission que je tiens à remplir consciencieusement. » Or, je ne puis m'en acquitter que si madame me fait l'honneur de me recevoir, car j'ai promis à monsieur de ne remettre qu'à elle seule un objet qu'il m'a chargé de lui apporter. » Ce fut dit d'un ton ferme, qui parut faire impression sur le fidèle gardien de la marquise. Peut-être crut-il que ce messager inattendu arrivait d'un pays étranger, où il avait rencontré monsieur de Ganges. Paul, en affirmant qu'il l'avait vu, s'était bien gardé de dire où, et il se pouvait que madame de Ganges eût intérêt à recevoir le message. « Je veux bien lui répéter ce que vous venez de me déclarer, et prendre ses ordres, » grommela le serviteur récalcitrant. « Elle est au fond du jardin. Je vais lui demander si elle veut vous recevoir. Si elle y consent, je viendrai vous chercher. Attendez-moi ici. » Paul n'avait qu'à obéir, sans élever d'objection, trop heureux d'avoir décidé ce Cerbère à consulter sa maîtresse. Ainsi fit-il, bien persuadé d'ailleurs que dans la situation d'esprit où elle devait être depuis la veille, elle ne refuserait pas de voir un monsieur qui lui apportait des nouvelles de son mari. Il resta à la place où le colloque venait d'avoir lieu, et il attendit, sous l'œil du valet en livrée, qui l'observait de loin. L'homme noir revint au bout de quelques minutes, et il lui dit « Allez, elle est seule maintenant. » « Je l'espère bien qu'elle est seule, » pensa Paul, qui tenait absolument au tête-à-tête et qui ne savait pas que la marquise venait de renvoyer une de ses amies pour le recevoir. Il prit l'allée que l'homme lui indiqua. Au premier tournant, il croisa l'ami et il la salua en passant. Cette amie était une très jeune femme, modestement habillée, dont l'éclatante beauté l'éblouit. Une brune au teint clair, avec des yeux qui n'en finissaient pas et un air de tristesse qui ne faisait que l'embellir encore. Sans doute une amie malheureuse, une amie d'enfance, à laquelle Madame de Gange s'intéressait. Paul avait autre chose en tête que de chercher à deviner qui elle était. Il cherchait des yeux la marquise, et il l'aperçut, assise au pied d'un acacia, sur un banc rustique. Elle aussi l'aperçut, et se leva vivement pour venir à sa rencontre. « Vous ici, monsieur ? » s'écria-t-elle, « et vous osez vous y présenter sous prétexte de me remettre un message de mon mari ? Est-ce ainsi que vous tenez votre parole ? Vous m'aviez promis de ne pas chercher à me connaître. Vous aviez déjà manqué à votre promesse en me suivant jusque chez Madame d'Ozulé. Et Dieu sait dans quels embarras vous m'avez mise. Vous m'avez donc encore une fois épiée, puisque vous êtes parvenue à savoir où je demeurais. Non, madame, je vous jure que non, s'écria Paul. Alors, comment avez-vous appris mon adresse? Vous n'avez pas eu, je suppose, l'audace de la demander après mon départ. Aux personnes qui avaient entendu le domestique de la baronne vous annoncer sous le nom que je porte. Je m'en serais bien gardé. Quelqu'un a dit devant moi que votre hôtel était situé avenue Montaigne. Soit, je veux bien vous croire. Et alors, vous n'avez rien de plus de pressé que de vous présenter ici. Qu'espériez-vous donc? Vous êtes-vous imaginé que je continuerai à me prêter à une confusion de personnes que je n'ai pas eu la présence d'esprit d'empêcher, en déclarant tout haut que je ne vous connaissais pas? Je ne l'espérais pas, mais je le désirais de tout mon cœur. Vous saviez bien que c'était impossible. Ni mon ami, ni les personnes qui se trouvaient chez elle hier ne connaissaient mon mari. Mes gens ne le connaissent pas non plus. Mais il y a ici quelqu'un qui le connaît. Oui, votre intendant, n'est-ce pas? Cet homme qui hier vous gardait au Luxembourg et que je viens de retrouver. Monsieur Coussergue n'est pas mon intendant. C'est un ancien officier qui fut l'ami de mon père et qui est resté le mien. Il connaît Monsieur de Gange, mais il ne sait pas qu'on m'a pris pour lui. Donc pour le présent, vous n'avez pas à craindre que l'erreur soit découverte. Elle le sera forcément quand mon mari reviendra. C'était le cas ou jamais de répondre. Il ne reviendrait jamais. Paul ne le fit pas. Avant de venir là, il voulait voir un peu plus clair dans les sentiments intimes de la marquise, et il lui dit « Oserais-je vous demander ce que vous ferez quand reparaîtra Monsieur de Gange ?»« Je n'en sais rien encore, » murmura Madame de Gange. « Je crois bien que je lui dirai la vérité. Le mensonge me répugne. Et du reste, je n'ai à me reprocher qu'une légèreté que mon mari excusera, quand je lui aurai dit le motif qui m'a poussé à la commettre. « C'est son affaire, » répliqua peu poliment Paul, piqué d'entendre cette marquise parler de ses relations avec lui, comme d'une aventure sans conséquence. « Mais vos amis et vos amis, la baronne d'Ozulé, le vicomte de Servan et les autres, comment leur expliquerez-vous que vous n'avez pas protesté contre l'erreur de ce valet, qui m'a annoncé devant 10 personnes, sous le nom de Monsieur de Gange ?»« Je n'aurais rien expliqué. » Car aussitôt que mon mari sera de retour, je quitterai avec lui Paris et la France. Mais vous y reviendrez. Je ne crois pas. Quoi ? Vous expatriez pour toujours ? Vous y aurez contribué, en me plaçant dans une situation insoutenable. J'ai eu tort, je l'avoue. Mais vous, madame, n'avez-vous donc rien à vous reprocher ? Je ne vous connaissais pas quand je vous ai vue au Luxembourg. Et vous me rendez cette justice que je ne me suis pas permis de vous aborder. C'est vous qui... « Brisons-la, monsieur, » l'interrompit sèchement la marquise. « Je regrette beaucoup ce que j'ai fait. Si vous saviez ce qui m'a déterminé à agir ainsi, vous excuseriez mon imprudence. Et ce n'est pas à vous de me la reprocher. J'en supporterai les conséquences, et je vous prie de ne plus vous occuper de moi. Ainsi, vous me défendez de vous revoir ?»« Vous revoir ? Je le voudrais, que je ne le pourrais pas. Vous devez le comprendre. Et si, comme je le crois, vous êtes un galant homme, vous ne chercherez pas à prolonger une fiction qui finirait par me compromettre gravement, et que la très prochaine arrivée de M. de Gange va percer à jour. Je vous pardonne d'avoir cru que je n'y mettrais pas fin. Vous pensiez sans doute que j'étais libre. Vous savez maintenant que je ne le suis pas, puisque je suis marié. Vous vous trompez, madame, répliqua Paul Cormier. Vous êtes veuve. Paul, emporté par un élan de passion, avait parlé trop vite, et il se repentait d'avoir lancé cette grosse nouvelle qu'il comptait réserver pour le moment où il aurait suffisamment préparé madame de Ganges à la recevoir. Il n'avait pas pris le temps de se préparer à l'expliquer et à tirer parti de l'effet qu'elle allait produire. Il venait de mettre, comme on dit, les pieds dans le plat. L'effet, d'ailleurs, ne fut pas celui qu'il prévoyait, car la marquise répondit dédaigneusement. « Vous vous permettez, monsieur, une plaisanterie très déplacée. Souffrez que je vous le dise et que j'arrête là cet entretien. » « À Dieu ne plaise que je plaisante après un pareil événement, » s'écria Paul. « Je vous répète que vous êtes veuve, madame. Je vous le jure sur mon honneur. » « Vous ne prenez pas garde que vous êtes en contradiction avec vous-même, » dit froidement madame de Ganges. « Vous vous êtes introduit chez moi en prétextant que vous aviez à me remettre un message de mon mari, et vous venez me dire maintenant qu'il est mort. L'une de vos deux déclarations est fausse. »« Elles sont vraies, toutes les deux. »« Ah, c'est trop fort. Et vous me permettez, monsieur, de n'en pas entendre davantage. » « Je vous supplie de m'écouter jusqu'au bout. Après, vous ne douterez plus. » Ce fut dit avec tant de fermeté que madame de Ganges resta et attendit la suite. « J'ai vu votre mari cette nuit, reprit Paul. « C'est impossible. Mon mari n'est pas à Paris. »« Il y est arrivé hier. Je l'ai rencontré, malheureusement. »« Comment avez-vous pu le reconnaître ? Vous ne l'aviez jamais vu. » ?»« C'est lui qui m'a abordé. Il a entendu monsieur le vicomte de Servon me présenter à un de ses amis en m'appelant monsieur le marquis de Ganges. Alors il est intervenu. » Il m'a demandé des explications que je n'avais garde de lui fournir. « Où s'est passée cette scène ? » demanda la marquise, déjà mise en éveil par cet exposé inattendu. « Dans un bal public, » répondit Paul, après avoir un peu hésité. « On vous a trompé, monsieur. Quelqu'un aura trouvé drôle de se faire passer pour le marquis de Ganges, qu'il avait peut-être vu autrefois et dont vous usurpiez le nom et le titre. J'aurais pu croire cela si l'affaire n'avait pas eu de suite. »« Quelle suite ? Il m'en coûte de vous le dire, mais il faut que vous sachiez tout. » « J'ai juré, et je dois tenir ma parole, une querelle s'est engagée. »« Entre mon mari et monsieur de Servon ?»« Non, madame, monsieur de Servon n'était plus là. Un de mes amis est survenu au moment où monsieur de Ganges me menaçait de me souffleter. Mon ami, qui est très violent, a pris les devants et l'a frappé au visage. »« Ce n'est pas vrai, monsieur de Ganges n'est pas un lâche. »« Non, certes, il ne l'a que trop prouvé. »« Mais il a été surpris par cet acte de brutalité. »« Il ne lui restait qu'à demander raison à l'agresseur. »« C'est ce qu'il a fait. » « Et il en résultera un duel ?» demanda anxieusement la marquise. « Le duel a eu lieu, madame, » répondit Paul en baissant les yeux. « Quand ? On ne se bat pas la nuit. » « Ils ont attendu que le jour commençât à poindre. Dieu m'est témoin que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour empêcher la rencontre, ou pour la retarder, où mes efforts ont été inutiles, et... » « Achevé. » « On s'est battu à l'épée, et M. Dugange, frappé en pleine poitrine, est mort en brave. »« Mort ? Non, ce n'est pas possible. » « J'y étais, madame, je l'ai vu tomber. » « Ah, je comprends, » s'écria la marquise, « c'est vous qui l'avez tué. Et vous osez vous présenter devant moi, couvert du sang de mon mari ?»« Non, madame, je n'étais pas son adversaire. J'ai été un de ses témoins, et c'est lui-même qui m'a choisi. Il ne nous connaissait ni les uns ni les autres. Il a eu confiance en ma loyauté, et je l'ai assisté de mon mieux. » La marquise, pâle et tremblante, se taisait, parce qu'elle n'avait plus la force de parler. « Si vous en doutez, » reprit Paul, « je puis vous prouver que je ne dis que l'exacte vérité. » « Je suis venu chez vous parce que monsieur de Ganges m'y a envoyé. Comment aurais-je su votre adresse s'il ne me l'avait pas donnée ? Je n'ai pas pu la demander à monsieur de Servon, qui me prenait et qui me prend encore pour votre mari. »« Mort, il est mort, » murmura la marquise, en cachant son visage dans ses mains gantées. « Monsieur de Ganges a fait plus que de m'envoyer à vous. Il m'a raconté sa vie. »« Que dites-vous ? » demanda madame de Ganges, stupéfaite. « Toujours la vérité, madame. La querelle a commencé dans un bal, près du carrefour de l'Observatoire. » Et s'est vidé aux fortifications. J'ai fait ce long trajet à côté de monsieur de Ganges et en causant avec lui. C'est ainsi que j'ai reçu de lui des confidences que je n'avais pas provoquées. Comment a-t-il pu vous choisir pour les entendre, vous qui étiez emparé de son nom ? Je lui ai dit qu'on m'avait fait la sotte plaisanterie de me le donner, et que je n'y étais pour rien. En vérité, je ne mentais pas. Il m'a cru, et s'il n'y avait pas eu le soufflet, l'affaire se serait probablement arrangée, et j'aurais eu quelque mérite à pousser, comme je l'ai fait, à un accommodement, puisque sans ce duel fatal, vous ne seriez pas... Que vous a-t-il dit ? Interrompit la marquise. Son récit n'a été qu'une longue confession de ses torts envers vous. Il m'a dit qu'il s'était ruiné plusieurs fois, et qu'il avait abusé de votre bonté sans jamais la lasser. Il m'a dit que depuis un an, il n'a pas cessé de vous tromper en vous écrivant qu'il était en train de refaire sa fortune dans de grandes entreprises financières, C'était faux. Il était, en dernier lieu, à Monaco, où il jouait, et où, après avoir gagné une somme énorme, il a perdu jusqu'à son dernier louis. Il arrivait à Paris sans argent, et c'est la honte de vous avouer ce qu'il avait fait qui l'a empêché de se présenter hier à votre hôtel. « Ah, c'est le coup de grâce !» murmura Madame de Ganges. « Je dois ajouter, reprit Paul, qu'il se repentait de vous avoir offensé, et qu'il m'a chargé de vous demander de lui pardonner le mal qu'il vous a fait. C'était là une mission qui ne me plaisait pas, vous le croirez sans peine. Mais je ne pouvais pas refuser de l'accepter, et je m'en acquitte. » Abîmé dans sa douleur, ou tout au moins dans son émotion, la marquise semblait avoir été changée en statue. Pâle, immobile, le regard fixe, elle ne trouvait pas une parole à adresser à Paul Cormier qui attendait. « Qui donc l'a tué ? » demanda-t-elle lentement, comme si elle sortait d'un rêve. « Un homme que vous connaissez, madame, » répondit Paul. « Il était avec moi hier au Luxembourg, quand je vous ai vu pour la première fois, et il a osé vous parler. » « Jean de Mirande ? » s'écria la marquise. « Lui, toujours lui. C'était donc écrit qu'il troublerait encore une fois ma vie. »